Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'y avait-il dans le temple de Silo ? Demande Thomas Römer. Contenait-il l'arche et une représentation de Yahvé ? L'arche était-elle un sanctuaire mobile ? Est-elle devenue un trône ? Et les chérubins, génies protecteurs, étaient-ils une sorte de couverture? L'arche était-elle dangereuse? Et pourquoi le roi David l'a-t-il laissée dans un entrepôt avant de la transporter à Jérusalem? Quel est le contexte dans lequel s'insère l'histoire de l'arche? Demande Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques et ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne. Le philologue exégète poursuit aujourd'hui avec une érudition toute malicieuse et actualisée sa grande enquête au cœur des textes bibliques et des sources antiques dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». L'Arche qui fascine depuis les temps bibliques soulève bien des questions et des spéculations depuis sa disparition. Dans les deux cours précédents, Thomas Römer a cité un texte qu'il trouve significatif et que je vous rappelle dans Jérémie 3, 16. Lorsque vous vous multiplierez et que vous deviendrez fécond dans le pays en ces jours-là, oracle de Yahvé, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de Yahvé, elle ne viendra plus au cœur, on ne s'en souviendra plus, on ne remarquera plus son absence et on n'en fera pas d'autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de Yahvé, toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom de Yahvé vers Jérusalem, et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Fin de citation. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 1er mars 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, l'histoire de l'arche, son contexte et sa composition. Il y avait une divinité dans la statue, en fait, dans l'arche. C'est suggéré aussi par le récit biblique, en fait. Je vais vous donner deux exemples, et ensuite nous allons regarder ça de manière encore plus détaillée. Souvenez-vous ce qui arrive à l'arche lorsqu'elle tombe dans la main des Philistins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent, ils la déportent pour la mettre dans le temple de Dagon, au Dagon. Hein? Nous allons voir qui est ce Dieu un peu plus tard. Donc, ça rappelle quoi? Ça rappelle en effet une pratique très très bien attestée chez les Assyriens, mais aussi plus tard chez les Babyloniens. C'est-à-dire au moment où vous êtes vainqueur d'un peuple, d'une cité, vous prenez leur divinité et vous le mettez en fait dans le temple du dieu national ou d'une divinité importante des Assyriens pour montrer en effet que même les dieux de la cité ou du peuple vaincu font acte d'allégeance vis-à-vis des divinités assyriennes. Et c'est exactement ce que les Philistins font avec l'arche. Seulement après, comme vous le savez, ça marche pas comme les Philistins pensaient. Mais l'idée que l'arche, d'une certaine manière, est placée en présence de Dagon fait penser que, d'une manière ou d'une autre, l'arche doit en effet représenter Yahvé. Et lorsque l'arche revient, lorsque les Philistins se décide de faire revenir l'arche, ben, il s'arrête d'abord à une ville frontière, à Beth-Shemesh. Et là aussi, si vous relisez l'histoire, vous vous souvenez peut-être. Là, il y a des différences entre le texte grec et le texte hébreu, dont je vais vous en parler dans un instant. Mais selon le texte massorétique, on dit que Yahvé frappa les hommes de Beth-Shemesh car ils avaient regardé dans l'arche de Yahvé. Raou ba'aron Adonai. Alors, pourquoi est-ce qu'ils les frappent? Parce qu'ils ont regardé dans l'arche de Yahvé. Ben, probablement parce que dans l'arche, il y avait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés regarder. Et donc, on avait déjà évoqué la possibilité que le discours deutéronomiste sur les deux tables, ça pourrait être en effet un substitut pour autre chose. Souvenez, il n'y a que les deux tables, donc quand on insiste tellement là-dessus, il faut en effet se poser la question si ce n'est pas un substitut. Et si c'est un substitut, c'est un substitut de quoi? Pourquoi deux tables? Déjà, pourquoi table de pierre? Alors là, on peut faire, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Une première, c'est en effet les coffres bédouins pré-islamiques, la Kouba, qui sont des tentes, mais des tentes aussi transportables, que vous avez ici dans un relief de Palmyre, dans le temple de Baal, où on va en effet une procession d'une tente saluée par des fidèles et suivie par des femmes voilées. Donc là aussi, devant, il y a une sorte de bœuf qui n'est pas non plus sans rappeler le récit biblique. Bon, là, évidemment, elle est sur un chameau. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces Kouba? Alors, certains disent qu'il y avait des bétiles, donc des pierres sacrées, mais apparemment, parfois aussi, de manière anthropomorphe, comme sur ces terres cuites. Et il y a la tradition, justement, qu'il y avait deux déesses, Al-Lat et Al-Uzza, qui ensuite, et ça c'est intéressant pour notre histoire, qui ensuite ont été remplacées par des rouleaux, des copies du Coran. Ça, c'est un exemple, en effet, intéressant. Le Coran, d'ailleurs, connaît encore ces deux déesses. Hein. Donc, dans la sourate 53, il parle justement des déesses Lat et Uzza. Et alors, maintenant, je vous laisse décider, il y a quand même quelque chose de très intriguant dans l'histoire de l'arche. Comment s'appelle celui, lorsque l'arche revient à Jérusalem, qui veut la toucher et qui ensuite est frappée? Elle s'appelle Uzza. Est-ce que c'est un pur hasard? La question mérite d'être posée. Réfléchissez-y et dites-moi la semaine prochaine. Alors, Uzza, c'est une déesse très populaire chez les Nabatéens, notamment, un Petra. Son culte est très, très répandu. Donc, on a en effet, comme ici, vous avez des niches avec des bétiles, souvent à deux. Donc, Uzza, la déesse, est accompagnée par un parèdre, par un dieu qui lui est associé. Souvent, Dushara, qui est un peu le dieu tutélaire du lieu, c'est lui du mont Shara, Dushara. Et donc, on voit que dans ces niches, apparemment, on peut les placer, ces bétiles, mais apparemment, on peut aussi les sortir pour les transporter. Donc, on a plusieurs de ces niches. Et ici, une bétile de Al-Uzza qui nous ramène à notre question. Est-ce que le culte bétile est un culte aniconique? On ne peut pas tellement le dire, parce que Uzza, ici, il a quand même des yeux, il est quand même stylisé en tant que déesse. Donc, si on prend ces pistes-là, on pourrait dire que l'arche transportait peut-être une, voire deux pierres sacrées, symbolisant Yahvé, et peut-être sa parèdre. Mais là, c'est un peu plus spéculatif, mais le deux reste quand même un peu intriguant. Pensez aussi au sanctuaire de Arad, dont je vous ai déjà parlé, au sanctuaire à Arad, on a également les deux stèles, hein, parce que c'est juste deux représentations de Yahvé, ou autre chose. Alors, très brièvement, encore une autre piste qui nous vient maintenant du monde mésopotamien. Je vous ai peut-être déjà parlé l'année dernière dans un autre contexte de cette tablette du roi Nabu Apla Idina. C'est une tablette qui est assez petite, 30 à 20, sur laquelle on a cette fameuse image que vous connaissez peut-être, où vous voyez le dieu Shamash dans son sanctuaire céleste et, en fait, son symbole, le soleil. Et cette histoire, en fait, est très intéressante, mais elle ne nous occupe pas trop cet après-midi, donc je vais juste le rappeler. En fait, on raconte que la statue de Shamash avait été détruite lors d'une invasion, et en fait, on ne savait plus à quoi elle ressemblait. Donc, du coup, on avait mis simplement son symbole dans le temple. Et c'est seulement au moment où, sous le règne de Nabu Apla Idina, Shamash donne une révélation au roi. Le roi sait comment reconstruire la statue. Et pour que ça marche dans la suite, on va faire une sorte de modèle, en fait, de cette statue. Et ce qui est très, très intéressant, on a trouvé, en fait, ce modèle dans un coffre. Hein, dans un coffre qui, certains disent, il a été fait après coup pour contenir cette tablette. D'autres disent qu'il a toujours été fait pour la contenir. Mais, en effet, c'est très intéressant parce que cette tablette porte, en effet, le titre de image de Tselem Tsalamu de Shamash, le grand seigneur. C'est exactement le même terme que nous avons dans les textes bibliques pour parler des statues, statues divines ou images. Lorsqu'on dit déjà dans la Genèse que l'homme est créé image de Dieu, c'est Tselem. Donc l'homme est créé en fait comme remplaçant la statue de Dieu. Donc, si on va sur cette piste-là, on aurait pu imaginer aussi que l'arche a en effet pu contenir le tselem, le modèle d'une certaine manière, l'image de Yahvé, une sorte de réplique d'une statue de Yahvé en plus petit. Et évidemment, ça expliquera aussi pourquoi, après, on a interdit de refaire l'arche, puisque s'il contient une représentation de Yahvé, c'était plus tellement ce qui était souhaité au moment où on a construit ce deuxième temple. Et cette piste aussi, si c'est une tablette en pierre ou en argile, peut-être en pierre, on comprend aussi la substitution avec la tablette ou les tablettes de la loi. S'il y avait déjà une tablette, c'était facile en fait de la réinterpréter, de dire non, ce n'est pas l'image, c'est les tables de la loi. Et dans le même sens, dans les fouilles de Kirbet Kayafa, dans la Chefela, qui ont été faites il y a une dizaine d'années maintenant, ces fouilles ont fait beaucoup de bruit parce que l'auteur des fouilles, l'excavateur principal ici, Joseph Garfinkel, avait prétendu d'avoir trouvé le palais d'hiver ou d'été de David. Ça, je pense, depuis ça s'est calmé un peu, mais c'est un site quand même du Xe siècle. Et ce qui est très intéressant, qu'on a trouvé aussi une sorte de coffre. Alors, selon Garfinkel, ce serait le modèle du temple de Jérusalem que David aura ensuite transmis à Salomon, mais ça ressemble pas tellement au temple de Jérusalem. C'est plutôt un coffret qui peut aussi contenir soit une tablette ou une statue divine. Donc du coup, on aura là de nouveau quelque chose qui pourrait être comparé à l'arche. Donc, résumons. Dans le sanctuaire de Silo, il y avait certainement l'arche, et les deux sont très fortement liés, qui contenait en effet une représentation de Yahvé. Peut-être à côté, en fait, d'une statue plus importante. Donc, comme dans les temples égyptiens, vous avez des grandes statues et des statues que vous utilisez pour des processions, ou là, peut-être aussi pour des contextes guerriers. Plus tard, dans le temple de Jérusalem, cette statue va se trouver où cette arche plutôt va se trouver un peu en couple ou en compétition avec la statue de Yahvé dans le temple. Du coup, pour certains, pour les deutéronomistes, dont je vais vous en parler dans un moment, l'arche va devenir le trône, hein, ou va être présentée comme étant le trône de Yahvé, parce qu'on va la mettre sous les chérubins. Hein. Donc, du coup, elle devient un sanctuaire mobile. Et puis, pour les auteurs sacerdotaux, les derniers qui auraient interprété l'arche, bah, ils ont combiné les deux choses, ils ont pris l'arche en tant que coffre, ils ont repris les chérubins du temple de Jérusalem, mais en faisant des chérubins, une sorte de couvercle avec ce fameux propitiatoire qui a maintenant une sorte de fonction aussi sacerdotale d'élimination de péché. Voilà ce qu'on peut dire sur le contenu de l'arche. Donc, ni d'électricité, ni d'extraterrestre, mais plutôt une ou deux statues divines, de manière plus ou moins anthropomorphe, peut-être plus, comme je vous ai dit, des pierres, des tablettes représentant la divinité. Maintenant, il faut nous interroger un moment sur le contexte de l'histoire de l'arche. Nous allons travailler en détail sur l'histoire même qui est racontée dans les chapitres 4, 5, 6 du premier livre de Samuel et ensuite du chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Mais auparavant, il faudrait qu'on se penche un tout petit peu sur le contexte à l'intérieur duquel on a inséré en fait cette histoire. Alors d'abord, une chose un peu technique, mais qui est importante, c'est que, contrairement à ce que nous avons dans le Pentateuque, dès que vous entrez dans les prophètes, disons les prophètes antérieurs de ce qu'on appelle enfin, le livre historique, Josué, Juge, Samuel, Roi, vous avez des grands problèmes de la transmission du texte. C'est-à-dire que très souvent, des témoins textuels en grec sont très très différents de ce que nous avons dans le texte massorétique, dans le texte hébreu. Ce n'est pas du tout le cas dans le Pentateuque, où il y a une certaine stabilité, bien sûr, il y a aussi des différences, mais une grande stabilité quand même, si on compare avec ce que nous avons dans les livres de Josué, mais Samuel et Roi aussi tout particulier. Dans l'histoire de l'Arche, en effet, ça s'appliquera comme nous allons le voir en faisant la traduction. Maintenant, quand on parle du texte grec, bah malheureusement, le texte grec, il est aussi complexe et compliqué que les textes hébreux, c'est-à-dire vous n'avez pas un texte grec. Vous avez des manuscrits qui, entre eux aussi, ont des différences. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à retrouver le texte grec originel, comme d'autres l'ont fait avec le texte hébreu, puis on n'arrive jamais vraiment. Donc, voilà, le grec reste une source importante. Et puisqu'on y est, aussi juste un petit détail, dans la Bible, dans les Bibles grecques, les livres de Samuel ne sont pas appelés livres de Samuel, mais sont appelés les livres des règnes. Et donc, pour les Bibles grecques, Samuel et Roi sont considérés comme un ensemble, et on parle du premier, deuxième règne pour le premier, deuxième Samuel, et ensuite, un, deux rois, ça fait troisième et quatrième règne. Donc, c'est important. Donc, ça montre aussi déjà que pour les traducteurs, ces livres formaient une unité. Hein, une unité, pourquoi des règnes ? Parce que tout est, en effet, lié d'une certaine manière à la royauté, aux origines de la royauté, hein, jusqu'à la disparition à la fin du livre des rois. Et sans doute aussi ont-ils considéré les livres de Samuel et Roi comme une histoire indépendante. Si vous lisez le premier verset du premier livre de Samuel, ou premier livre des règnes en grec, ça commence en effet comme une histoire. Il y avait un jour, un homme de Ramathaim Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, il s'appela Elkana, et ainsi commence l'histoire de la naissance de Samuel, toujours avec des archétypes un peu narratifs. La femme est stérile, puis elle est en compétition avec une autre femme. On connaît ça des patriarches et d'autres. Donc c'est le début de l'histoire de Samuel, mais vous pouvez la lire sans savoir ce qui se passait avant. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire des juges, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Josué. C'est une histoire qui commence comme une nouvelle histoire. Et donc, c'était peut-être à l'origine le cas. C'était peut-être le début d'une histoire autour du personnage de Samuel et des origines de la royauté. Histoire certainement composée d'éléments différents, comme nous allons le voir, mais pas nécessairement reliée à ce qui précède. Et en effet, on commence dans les chapitres 1 à 3 avec l'histoire de Samuel. Je ne vais pas vous raconter tous les livres de Samuel de Roi maintenant, donc vous pouvez le relire ce soir, un autre moment. C'est d'ailleurs utile et intéressant. Donc, on va apprendre, en fait, comme le petit Samuel, que sa mère a eu malgré sa stérilité et ensuite offert par Anne au sanctuaire de Silo. Et c'est en effet Silo qui va faire le lien avec l'histoire de l'Arche. Parce que Samuel, qui est quand même le personnage qui a donné, au moins en hébreu, son nom aux deux livres, bien qu'il meure déjà à la fin du premier livre, mais bon, ça c'est notre histoire, Samuel, il n'apparaît pas du tout dans l'histoire de l'Arche. Il n'a rien à voir avec l'histoire de l'Arche. Donc après, on va voir comme on a essayé quand même de faire des liens, mais le personnage n'y est pas. Alors il y a plusieurs liens entre l'histoire de l'Arche et les chapitres précédents. Premier lien, c'est le sanctuaire de Silo, ou Shilo, et la dynastie sacerdotale du prêtre Élie et de ses deux fils. Dans les chapitres 2 déjà, et 3 aussi, les fils vont être durement critiqués parce que, nous dit-on deux fois déjà, lorsque les gens amènent la viande pour les sacrifices, les fils de Élie se servent toujours des meilleures pièces. Et donc, on a cette expression, Yahvé voulait les faire mourir. Yahvé voulait les faire mourir, c'est quand même ce qui va se passer après dans l'histoire de l'Arche, parce qu'ils vont mourir sur le champ de bataille contre les Philistins. Donc là, c'est une manière de faire un lien. Et ces deux passages sur les fils encadrent en effet un passage sur le comportement exemplaire du jeune Samuel. Donc du fait, il y a une sorte de contraste qui est créé. Samuel qui est en fait le nouveau élu, d'une certaine manière, de Yahvé, alors que la dynastie donc de Élie et ses fils est rejetée. D'ailleurs, les filles restent anonymes jusqu'à un dernier oracle qui est donné à Élie à la fin du chapitre 2. Et c'est là, en fait, on va parler des noms des fils, donc Hophni et Pinchas. Je reviendrai là-dessus. C'est des noms égyptiens. Pinchas, c'est le noir, nègre, et Hophni, c'est le têtard. C'est un peu bizarre comme nom, mais enfin, on est d'accord que c'est des noms égyptiens. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a une allusion à l'Égypte dans cet oracle que vous pouvez relire. Mais là, de nouveau, tu auras pour signe donc que ta maison va s'écrouler, ce qui va arriver à des deux fils, Hophni et Pinchas. Donc, en fait, on annonce la fin de la ligne sacerdotale et l'arrivée d'un autre prêtre. Et au chapitre 4, en effet, on va faire le lien avec ce thème. Donc à un moment donné, on a quand même essayé de relier l'histoire de l'Arche à l'histoire de la fin des Élides. Au chapitre 3, on répète encore une fois la condamnation de la maison d'Élie au moment où Samuel est appelé par Yahvé, il ne sait pas encore qui c'est. Élie lui dit, vas-y, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et de nouveau, Dieu lui donne en effet une annonce très négative quant au destin de Élie. Maintenant, si on n'avait pas ces chapitres-là, et si on lisait que le chapitre 4, où en effet on va raconter la mort des fils d'Élie, et même la mort de Élie, on ne les prendrait pas forcément comme une sorte de condamnation divine, parce que dans l'histoire même, les fils meurent parce qu'ils se battent avec l'armée israélite contre les Philistins. Et Élie meurt au moment, en effet, où il apprend la mort de ses fils. Mais au chapitre 4, cette perspective négative, en fait, elle n'est pas évidente. Elle est évidente quand on lit avant les chapitres 2 et 3. Mais quand on lit le chapitre 4, il y a une autre vision possible. Et finalement, dernière préparation à la fin, c'est que au début de la vocation de Samuel, on dit que Samuel donc est couché dans le temple de Yahvé. Il s'agit bien d'un temple, c'est pas une tente, c'est une maison, dans le temple de Yahvé où se trouvait l'arche de Yahvé. Donc ça, évidemment, c'est aussi quelqu'un qui a intégré cette histoire de l'arche pour préparer l'histoire qui vient après et qui va nous occuper plus en détail, où on va raconter maintenant l'histoire de l'arche dans un contexte de guerre avec les Philistins, donc la perte de l'arche, sa supériorité par rapport à Dagan, dans le temple duquel elle est placée, son retour d'abord à Beth-Shemesh et finalement à Kiryat Yearim. Et donc ce qui est intéressant et ce qui devrait déjà un peu nous intriguer, c'est que pourquoi en fait. Ça aussi, une question que vous pouvez vous poser. Pourquoi l'arche, elle ne revient pas à Shiloh, s'il se trouvait là-bas? On aurait pu la ramener à Shiloh. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle reste à Kiryat Yearim? Donc, il y a bien un déplacement de l'arche. Elle ne revient pas de là où elle était partie. Ce qui montre peut-être que ce lieu de Kiryat Yearim, peut-être plus important que les auteurs bibliques veulent nous faire croire. Si c'était l'aboutissement, il faut s'interroger sur l'importance de ce lieu et évidemment ce que nous allons faire. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, l'histoire de l'Arche, son contexte et sa composition. Alors après l'histoire donc de l'installation de l'arche à Kiryat Yearim, nous allons en effet continuer avec l'histoire de Samuel. De nouveau, le lien est fait par un verset qui fait sorte de lien, mais aussi une césure chronologique en disant il y avait déjà 20 ans qui s'étaient passés d'après l'installation de l'arche à Kiryat Yearim. Et maintenant, Samuel va intercéder pour les Israélites qui remportent, et ça fait un peu contraste, de nouveau, une victoire contre les Philistins. Mais maintenant, dans ces victoires, on aura pu se dire, ils auraient pu ramener de nouveau l'arche. Mais on n'entend plus parler de l'arche. Donc on parle simplement de la victoire contre les Philistins. Et après vient un certain nombre de chapitres, chapitres 8 au 12, où en effet on va voir comment Samuel est impliqué dans la question de l'origine de la monarchie. Et où en effet des visions très négatives et assez positives vont alterner. C'est vraiment construit comme un chiasme. Tout au début, le peuple demande à Samuel, un roi, en disant « Nous voulons être comme les autres peuples, il nous faut un roi. » Et Samuel dit « Mais en fait, vous avez un roi, c'est Yahvé, c'est votre Dieu, vous n'en avez pas besoin de roi humain. » Et puis, il va leur expliquer tous les désavantages de la royauté. Des impôts, des taxes, des services militaires, absence d'autonomie, etc. Donc on a là une vision assez négative en fait de la royauté. Après, au chapitre suivant, par contre, alors là, c'est Yahvé lui-même qui demande, c'est comme un conte de fées, où le petit Saül, qui cherche les ânesses perdues de son père, va trouver la royauté. Parce qu'en effet, Yahvé dit à Samuel d'aller consacrer le petit Saül comme roi sur Israël. Après, une autre tradition neutre, disons, où Saül devient roi par tirage au sort, donc le peuple dit qu'il faut choisir quelqu'un, c'est Saül. Et puis, de nouveau, une vision positive, où Saül, cette fois-ci, devient roi parce qu'il sait, en effet, il a remporté une victoire contre les Ammonites. Et à la fin, le testament, d'une certaine manière, de Samuel, discours de Samuel, où, comme en 1 Samuel 8, de nouveau, il met en garde contre la royauté et la difficulté, justement, de préserver sa liberté face à un gouvernement de monarchie. Ensuite, on va raconter, et là, on va retrouver de manière curieuse l'arche, les débuts de la royauté de Saül. Donc, vous savez, Saül, c'est un peu un roi, c'est presque comme les tragédies grecques. C'est un roi qui est tantôt élu et rejeté. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, pourquoi. Les arguments sont toujours un peu fallacieux, mais disons, l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit rejeté. Et nous avons un texte où, d'abord, on voit Saül impliqué dans des guerres contre les Philistins. C'est un peu le leitmotiv de la première, du premier livre de Samuel. Et en fait, Jonathan, son fils, va remporter des exploits, mais en même temps, il ne sait pas que son père a dit, bah, justement, si on veut gagner cette bataille, il faut que personne ne mange jusqu'au soir. Et Jonathan ne le sait pas, il en mange, et bah, il aura dû être tué, mais le peuple, en effet, intervient pour le protéger. C'est un peu le thème des vœux irréfléchis, comme Iphigénie ou comme la fille de Jephthé, etc. Mais là, Jonathan est sauvé. Et on a intercalé entre ces deux passages qui se suivent parfaitement, on a intercalé, en fait, un autre passage, de nouveau sur la guerre avec les Philistins, où Jonathan, maintenant, manque à l'appel et Saül ne sait pas très bien comment faire pour le trouver. Là, la troupe se trouve à Gibea, pas trop loin de Jérusalem, et selon le texte massorétique, Saül dit au prêtre, à Ahia, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Mais l'arche de Dieu, bah, si on suit la logique narrative du livre de Samuel, l'arche de Dieu se trouve à Kiriat Yearim. Comment peut-on dire que l'arche de Dieu était avec les Israélites ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, le texte grec ne dit pas l'arche, mais il dit l'éphod. Fait approcher l'éphod. Alors qu'est-ce que c'est l'éphod ? Les Fauves, beaucoup de discussions, bah, pour faire bref, disons que c'est soit le statut, la statue d'une divinité à l'origine, parce qu'elle peut avoir ce sens, pour des pratiques qu'on utilisait pour des pratiques oraculaires, soit un contenant pour des sorts hein, qu'on utilisait pour le même besoin. Donc, après, dans les textes qui proviennent du milieu sacerdotal, les Fauves, ça devient quoi ? Ça devient en fait une partie du vêtement, hein, du vêtement du grand prêtre, où probablement il y avait des fameuses Oumim et les Ourim et les Toumim, donc les os ou les pierres qu'on jetait. Et donc il est possible que ces textes en fait mentionnaient à l'origine pas du tout l'arche, mais l'éphode, hein, comme le dit le grec. D'ailleurs, dans le texte du verset 3, on dit en effet que Achia, le prêtre de Yahvé à Silo, portait l'éphode. Donc pourquoi est-ce qu'en hébreu on est passé de éphode à Aaron ? Bon, d'abord pour les hébraïsants, il y a une explication relativement simple, c'est qu'on peut assez facilement se tromper, parce qu'il y a deux lettres qui se confondent facilement, le P et le Resh, donc si on écrit vite, ou le Nun final et donc le Dalet, ça peut se confondre, mais peut-être aussi simplement parce qu'il y a un contexte qui permettait une association assez simple avec l'arche, puisqu'il y avait la mention de la guerre, hein. Donc l'arche, comme dans l'histoire de l'arche, elle pourrait être présente dans la guerre, et aussi la mention de Silo. Ça, c'est très intéressant parce que, bon, ça, c'est un autre sujet, mais vous voyez que Ahia est ici présenté comme étant de la quatrième génération de Élie. Donc il y a quand même un lien encore avec Silo, bien que l'arche après soit arrivée à Kiryat Yearim, et c'est lui dont on dit qu'il porte l'éphod. Donc ça, il faudra aussi une fois éclairer cette question-là. Puis après, justement, Saül est de nouveau rejeté et va commencer maintenant ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David. Alors dans cette histoire de l'ascension de David, l'arche n'apparaît nullement. Donc il est question, je vais très très brièvement le rappeler, il y a d'abord comment David arrive à la cour, soit comme thérapeute musical d'un Saül déprimé à qui Yahvé avait envoyé un mauvais esprit, ou alors suite à sa fameuse victoire contre Goliath. Après, il va y avoir les deux enfants de Saül qui vont se tourner contre leur père, ce qui est aussi intéressant sur le plan narratif. Il va épouser Michal, qui va le cacher lorsque Saül veut le chercher, et Jonathan, le dauphin, qui va quand même se mettre du côté de David contre son propre père. Ensuite, on va en effet raconter une fuite assez compliquée de David par rapport à Saül. Le fait que Saül est épargné deux fois par David. Donc évidemment, toute cette histoire, c'est à la gloire de David. Oui, et on dit ça. Je dois quand même me corriger un tout petit peu. Parce que si on lit entre les lignes, ce n'est pas totalement à la gloire de David. David devient quand même vassal des Philistins et va se mettre au service des Philistins contre son propre peuple. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, ce n'est pas totalement positif, bien que lorsqu'il y a cette guerre des Philistins contre Saül et ses fils, durant lesquels Saül et Jonathan vont mourir, on dit expressément que le roi philistin avait interdit à David de participer à cette guerre, pour dire que David ne porte aucune faute à la mort de Saül et de Jonathan. Ensuite, on va raconter comment David devient roi à Hébron et à Jérusalem, et d'abord en guerre contre le fils de Saül, qui devient également roi. Donc il y a en fait une royauté en compétition qui est appelée Ish-Bosheth, homme de la honte, dans le livre de Samuel, ce qui correspond sans doute à un original Ish-Baal, homme de Baal, tel qu'on peut le trouver encore dans les livres des chroniques. Et c'est seulement là, maintenant, qu'on retrouve en fait l'arche dans le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel, où on raconte comment David, maintenant, va faire chercher l'arche de Kiriath Yearim pour l'amener à Jérusalem. Mais de nouveau, on insiste sur le fait que l'arche, elle est dangereuse. Elle est dangereuse puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elle est transportée sur un chariot, le chariot risque de tomber, un dénommé Uzza veut la retenir et, en la touchant, en fait, il est frappé par Yahvé et meurt. Et donc, du coup, David n'ose plus continuer le voyage et la met en entrepôt chez un dénommé Ovet Edom, serviteur de Edom, où elle reste un certain temps et où, en effet, elle apporte de la bénédiction à cette maison. Donc, finalement, David se résout quand même de l'amener à Jérusalem et dansant presque nu devant l'arche. Et là, on retrouve de nouveau le fameux éphod donc, dont on va reparler, ce qui va provoquer la colère de sa femme Michal, qui ensuite va être sanctionnée par le fait qu'elle a critiqué son mari et va donc devenir stérile. Au chapitre suivant, nous avons l'oracle du prophète Nathan, qui est très important parce qu'il parle en fait de la promesse d'une dynastie éternelle. Et dans l'état actuel de ce texte, comme l'a montré Jan Rückel dans ce livre, c'est un texte en fait qui est écrit à l'époque exilique, où il y avait la dynastie des Davidites qui voulait en fait continuer et où on dissocie en fait la promesse à une dynastie de la nécessité de construire un temple. Parce que dans le Proche-Orient ancien, ce qui va toujours ensemble, c'est une dynastie royale et la construction ou la rénovation d'un sanctuaire. Et là, en fait, l'idée de l'oracle de Nathan, c'est que Dieu promet à David une dynastie, une maison en fait, hein, parce que c'est le même mot, une maison pour toujours, alors que David n'a pas besoin de lui construire une maison. Et c'est dans ce contexte-là, David, qui veut en effet bâtir une maison, dit « Je suis installé », il y a tout un jeu de mots avec la racine Yashav, « Je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée dans ou sous un rideau de tente ». Et après vient donc l'idée que ce n'est pas David qui va construire la maison, mais que Dieu lui construira une maison. Cela fait allusion, ce que dit David, un texte du Deutéronome, où il est en effet question que lorsque le peuple sera entré dans le pays, Yahvé lui donnera du repos, avec les mêmes mots, vous serez installés, etc. Donc il y a certainement un lien entre les deux, dans ce qu'on appelle la fameuse histoire deutéronomiste, dont je vais vous dire quelques mots un peu plus tard. Donc la racine Yashav, qui évoque à la fois l'installation habitée, mais aussi le trône, et fait peut-être déjà allusion au trône, donc que d'une certaine manière va représenter aussi l'arche. Donc le mot d'ailleurs qui est utilisé pour tente, rideau de tente, est un mot qui est clairement de provenance sacerdotale. Donc ça veut dire que ce passage-là, un passage assez récent, qui présuppose en effet déjà ce texte du livre de l'Exode, et donc veut intégrer l'arche dans cette promesse qui est faite à David. Vient ensuite ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David. Et là, David, en fait, est présenté d'une manière beaucoup plus ambiguë. Donc David est d'abord encore positif, il accueille le dernier descendant de Ishbosheth, Ishbaal. Mais après, nous avons l'histoire que vous connaissez tous, l'histoire de l'adultère, ce qu'on appelle l'adultère de David avec Bathsabée ou Bathsheba, qui s'inscrit en effet dans un contexte de guerre contre les Ammonites. Vous connaissez l'histoire, donc David couche avec cette Bathsheba, mais après, il veut pas vraiment, il est embêté parce qu'il est marié, et on a déjà parlé, donc ça c'est quand même transgression d'un tabou fondamental, coucher avec une femme mariée. Donc comment il veut-il s'en sortir? Il donne, en fait, parce que le mari de Bathsheba, c'est un de ses généraux, hein, Uri, le Hittite, donc d'Anatolie, il lui donne en fait congé, il lui dit prends 2 jours, va voir ta femme. Avec, évidemment, vous comprenez la stratégie. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est justement la réponse que Uri donne. Il dit l'arche Israël et Juda habitent sont installés dans des huttes ou en fova sous côte. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en campagne et moi, j'irai chez moi, manger, boire, coucher avec ma femme. Par ta vie, je ne ferai pas cette chose-là. Donc, ce qui veut dire, moi, je ne vais pas profiter de la belle vie alors que l'armée est en situation difficile. Ce qui est intéressant de l'arche ici, c'est qu'elle est certainement ajoutée après coup, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'elle vient à faire. La logique voudrait en effet qu'il parle du contexte de cette guerre, que son chef Joab et l'armée se trouvent en rase campagne. Donc le rédacteur voulait sans doute suggérer que l'arche avait été amenée dans la guerre contre les Ammonites, hein, parce qu'autrement on n'en parle pas. Donc certainement là aussi c'est une petite insertion qui insiste sur le fait que l'arche avait été amenée. Alors sous côte, ça peut être les huttes, ou ça peut être aussi un lieu sous côte que souvent est identifié à Der Hala, donc en effet en territoire ammonite, hein, où on a trouvé cette fameuse inscription de Balaam. Donc du coup, on ne sait pas très bien si l'auteur a pensé à des huttes, ce qui n'est pas très logique pour un contexte militaire, ou plutôt à cette ville. Ensuite, les choses se compliquent. Bon, après, Salomon est né, mais aussitôt, les choses vont de nouveau être très compliquées pour David, parce qu'il doit faire face, en fait, à la révolte d'Absalom, son fils, hein, qui fait suite à une autre histoire compliquée, à un viol incestueux du frère d'Absalom, Amnon, qui viole sa sœur et qui est donc du coup tué par Absalom. Absalom arrive en effet à se faire couronner roi à Hébron et David est obligé de quitter Jérusalem. Et là, nous avons une scène assez intéressante. Donc, de nouveau, donc là, au chapitre 15-23, le peuple pleurait lorsque le roi passait. Hein. Puis vous pourrez, en effet, continuer directement, après le verset 23, au verset 30, on voit comment David continue, il marche par la montée des Oliviers, la vallée de Cédron, etc. Entre les deux, une épisode un peu curieuse sur l'arche, où les prêtres Abiata et Sadoc veulent, ou on a l'impression qu'ils veulent aussi faire sortir de Jérusalem l'arche pour qu'elle accompagne David. Mais David refuse en disant, mais non, l'arche doit rester en fait à Jérusalem. L'arche doit rester à Jérusalem. Et ce qui est en effet exécuté par les deux prêtres. Donc sans doute, de nouveau une insertion pour, d'une certaine manière, améliorer l'image de David, hein, en disant qu'il a évidemment pas, pillé le temple de Jérusalem, mais l'a en effet préservé et puis donc respecté l'arche. Alors le livre de Samuel va se conclure avec une sorte d'appendice des choses qui à l'origine n'étaient pas liées à cette histoire, mais qui en fait va se terminer avec la découverte de l'emplacement du futur temple de Jérusalem, hein, sur l'aire d'un dénommé Arovna, ce qui en effet va permettre après à Salomon de construire le temple. Et c'est lors de cette construction du temple, où, à plusieurs reprises, on va encore parler de Abiathar. Parce que Salomon, dès qu'il est devenu roi, quelque chose qui se fait tout le temps, une fois vous êtes au pouvoir, vous vous débarrassez de vos concurrents. Ce qu'il fait, donc Adonias qui voulait devenir roi à sa place, donc d'abord on raconte comment en fait il devient roi par toutes sortes d'intrigues, hein, et David totalement dépassé par les événements, fait confiance à sa femme Bathsheba qui lui dit « mais tu as promis que Salomon deviendra roi », ce qui n'est jamais dit d'ailleurs, et donc il arrive au pouvoir, se débarrasse de son concurrent Adonias, et donc est tué par son général. Et l'autre général, Joab, qui est aussi un fidèle de David, mais qui avait pris parti pour Adonias, il va être aussi tué. Donc, ils sont de nouveau, vous pouvez voir que vous passez directement du verset 25 au verset 28. Hein, et donc, cet épisode sur le prêtre Abiathar, qui lui n'est pas tué, mais exilé à Anathoth, est de nouveau une insertion. Et ce qui est intéressant dans cette insertion, c'est on insiste sur le fait que Abiata a porté l'arche du Seigneur devant David. Alors ça fait peut-être allusion à cet épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc il a porté l'arche et il a toujours été solidaire avec Yahvé. Le fait que le verset 27 dit c'était pour accomplir la parole que Yahvé avait dite sur la maison d'Élie à Silo, renvoie au chapitre 2 du premier livre de Samuel, mais de manière un peu curieuse, parce qu'il y a quand même une suite, d'une certaine manière, qui est suggérée avec Abiathar. Vient alors la première partie du règne de Salomon, qui commence avec, vous vous souvenez, une vision qu'il a dans le sanctuaire de Gabaon. Dans le sanctuaire de Gabaon, Dieu lui apparaît, demande « qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon dit « je veux ni la richesse, ni la puissance militaire, je veux que de la sagesse. » Et évidemment, c'est la bonne réponse, donc Dieu lui promet tout. Et lorsque Salomon se réveille, c'était un rêve, il revint à Jérusalem et se tint devant l'arche du Seigneur. Et c'est là qu'il offre des holocaustes, etc. Ça, c'est très clair aussi que ce passage sur le retour à Jérusalem et la mention de l'arche est un ajout pour être conforme avec la théologie deutéronomiste selon laquelle c'est seulement à Jérusalem que vous pouvez offrir des sacrifices à Yahvé. Parce qu'au verset 4, vous voyez, il y a en effet l'idée que le roi offre des sacrifices à Gabaon. Donc là, apparemment, quelqu'un est gêné par cela. Il dit non, il a dû faire ça devant l'arche et à Jérusalem. Ensuite, on va nous raconter l'organisation, l'étendue du royaume, sa sagesse et finalement la construction du temple. Alors c'est un récit très très complexe, très compliqué, avec beaucoup de différences entre le grec et l'hébreu, où on trouve l'arche mentionnée pour la première fois au chapitre 6, où il est dit que Salomon fit le débir, difficile à traduire, la chambre sacrée, à l'intérieur de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de Yahvé. Donc, on a l'impression qu'ici, le Saint des Saints accueille seulement l'arche qui, du coup, remplace, en quelque sorte, le trône de Yahvé. Ensuite, nous avons un chapitre alors très complexe, qui est le chapitre 8 du Livre des Rois, où on voit, en effet, comment l'arche est introduite dans le temple. Un texte vraiment surchargé. Le texte grec est d'ailleurs plus court, n'a pas forcément les versets au même endroit. On voit comment il est surchargé. Par exemple, au verset 3, on dit « les prêtres portent l'arche ». Au verset 4, on dit « Non, ce sont les prêtres et les lévites qui portent l'arche. » Et si vous lisez ça, vous voyez ça, c'est quand même un peu long. C'est un peu long et l'arche est placée dans la chambre sacrée sous les ailes de chérubins. Les chérubins, ils sont probablement repris soit de l'idée qu'il y avait ces trônes de chérubins. D'autres pensent qu'ils viennent déjà du récit sacerdotal, mais on peut, à mon avis, voir les choses autrement, à savoir que ce que fait l'auteur de 1 roi 8, c'est de reprendre l'idée des trônes de chérubins et le mettre en relation avec l'arche. La dernière mention de l'arche dans les livres des rois, c'est à la fin du premier discours où, en effet, Salomon dit que Yahvé a accompli toute la parole qu'il avait dite, qu'il a succédé à David, il a bâti cette maison et, en plus, qu'il a assigné un emplacement pour l'arche où se trouve l'alliance que Yahvé a conclue avec nos pères. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne dit pas l'étable de l'alliance, on dit simplement l'alliance. Donc, souvenez-vous, en 1 roi 8, on disait, il n'y a rien dans l'arche que les deux tables. Ici, on parle simplement de labyrinthe, donc peut-être une vision un peu plus générale de ce que l'arche peut contenir. Et c'est la dernière fois qu'on parle dans les livres des rois de l'arche. Après, on parle évidemment du règne de Salomon qui se termine mal, parce que à la fin de sa mort, on va en effet avoir les deux royaumes qui en fait vont être coexister jusqu'à la chute de Samarie, et après donc le royaume de Juda jusqu'à sa destruction, donc malgré des rois positifs comme Ézéchias et Josias, positifs dans les yeux des rédacteurs, qui cependant ne peuvent pas empêcher le siège et la chute de Jérusalem. Et ce qui, évidemment, est difficile, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que devient l'arche. Et pourquoi, surtout, l'arche dont on a quand même souvent essayé encore de parler jusqu'à ce qu'elle entre dans le temple, qu'une fois qu'elle entre dans le temple, on n'en parle plus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus ? C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer le 1er mars 2018. Aujourd'hui, l'histoire de l'Arche, son contexte et sa composition. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Je rappelle son livre « L'invention de Dieu » aux éditions du Seuil. Un grand merci à Marguerite Maubert. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Römer et il sera question de la perte de l'Arche et de la fin du sanctuaire de Silo. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.